cours numéro 29. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد انتهينا والله الحمد في درسنا الأخير من قراءة كلام الإمام السعدي رحمه الله تعالى l'explication du nom اللطيف واليوم نبدأ في درس جديد بتوفيق الله قال رحمه الله الملك المالك والدليل على اسم المالك قوله عز وجل مالك يوم الدين في سورة الفاتحة أما الدليل على اسم الملك يعني ديفيرونس المالك بمد الميم il y a une prolongation al-malik ala wazn fa'il amma al-malik fa qawluhu azza wa jall fa ta'ala Allahu al-malik al-haq wa kadhalik thabata ism al-malik bilia al-malik wa ad-dalil qawluhu azza wa jall 'inda malikin muqtadir في آخر سورة القمر. Donc ces trois noms, on a des preuves. Al-Malik, Al-Malik et Al-Malik. Et à la qira'at Warsh, في الفاتحة, il est بدون المد. Maliki Yawmiddin, c'est un dalil à la ism Al-Malik. Ism Al-Malik warada 5 marrat dans le Coran. Et si on ajoute la lecture de Warsh de Sourate Al-Fatiha, ça fait 6 fois. فهذه الأسماء ثابتة لله عز وجل الملك والمالك والمليك قال المؤلف رحمه الله تعالى الملك المالك الذي له الملك فهو الموصوف بصفة الملك وهي صفة العظمة والكبرياء والقهر والتدبير الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء فالله سبحانه وتعالى له صفة الملك أي بوسيتو عز وجل فتوت لي كرياتور elles font partie du royaume d'Allah سبحانه وتعالى قال فهو الموصوف بصفة الملك وهي صفة العظمة والكبرياء والقهر والتدبير فلا شك أن الملك عز وجل له صفة العظمة العظيم هذا تقدم معنا كذلك صفة الكبرياء وتقدم معنا اسم الكبير سيأتي إن شاء الله تعالى اسم المتكبر والقهر on l'a vu هذا في شرح اسم الله عز وجل القهار القاهر والتدبير فالله سبحانه وتعالى celui qui gère tout وهذا تقدم معنا في اسم الرب الذي له التصرف المطلق celui qui gère tout لماذا لأنه c'est le ملك les créatures elles font partie de son royaume c'est lui qui guide qui il veut qui égare qui il veut عز وجل il élève qui il veut il rabaisse qui il veut il donne à qui il veut reprend à qui il veut قال في الخلق c'est lui le créateur وهذا تقدم معنا اسم الخالق عز وجل وكذلك الباري فالله سبحانه وتعالى له التصرف المطلق في الخلق Il crée ce qu'il veut, la forme qu'il veut, le nombre qu'il veut, la couleur qu'il veut, Azza wa Jal, wal amr. Et il ordonne ce qu'il veut, il interdit ce qu'il veut, wal jaza. Et كذلك, lahu at-tasarruf al-mutlaq fi al-jaza, ay yawm al-qiyam. Il châtiera qui il veut, il récompensera qui il veut, subhanah. Personne ne peut s'opposer à son hukm. Et tout ça, bien sûr, c'est fondé sur al-hikma wal-adl, wal-haq. فمن أسماء الله عز وجل الحق ومن أوصافه العدل تقدم معنا أن الله عز وجل حكم عدل ثم قال رحمه الله وله جميع العالم العلوي والسفلي أي possède tout tout ce qui est dans les cieux et sur la terre فسم من ملك الله سبحانه كلهم عبيد ومماليك عبيد ومماليك Et c'est des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ملك الجميع سيد الجميع رب الجميع دونك ما من مخلوق إلا عبيد ممالك أي مملوك أي il fait partie de la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le malik. Qui c'est qui a créé hada al-makhlouq? Et qui c'est qui le possède? Qui c'est qui le gère? Qui c'est qui fait ce qu'il veut? C'est Allah azza wa jal. Qala wa mutarruna ilayhi. Hada taqaddam ma'ana fi tafsir ism al-ghani. Ya ayuhal nas, antumul fuqara'u ila Allah. فالعباد مضطرون إليه أي on a tous besoin d'Allah عز وجل لماذا؟ لأنه c'est le ملك c'est lui qui gère هذا الكون c'est lui qui donne c'est lui qui guide فلا شك أن ما من عبد أي لا besoin d'Allah سبحانه وتعالى قال وهو الآمر الناهي المعز المذل c'est lui qui donne les ordres c'est lui qui donne les interdictions المعز celui qui élève celui qui rabaisse الذي يصرف أمور عباده كما يحب عز وجل يصرف أي celui qui gère les affaires des عباد comme il aime سبحانه وتعالى comme il veut قال ويقلبهم كما يشاء يقلبهم يجد هذا ثم يلقى هذا يدن هذا يغبخون هذا هذا aujourd'hui il est triste demain il est heureux aujourd'hui il est riche demain il est pauvre لا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل il fait ce qu'il veut بعباده قال وله من معنى الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنى كالعزيز الجبار المتكبر نعم لأن هذا الاسم englobe beaucoup de معاني اسم الملك فالله سبحانه وتعالى له صفة الملك يبسط فقوله وله من معنى الملك ما يستحقه من الأسماء vu que c'est الملك وله الملك فلا شك que ça va impliquer من باب التلازم أنه إلى des autres noms qu'on a déjà vu كثيرا قال ما يستحقه من الأسماء الحسنى كالعزيز الجبار المتكبر الحكم العدل الخافض الرافع فالملك سي العزيز وهذا تقدم سي الجبار سي المتكبر سي الحكم سي العدل وتقدم معنا أن العدل سي با من أسماء الله عز وجل سي أنا أتخبيه سي وصف الخافض الرافع المعز المذل توسى تقدم معنا العظيم الجليل نعم الكبير الجليل On avait vu précédemment qu'il n'y a pas de dalil sur ce nom. Lakin il est ma'na al-kabir. Qala al-hassib al-majid. Al-majid, incha'Allah, ça sera dans l'explication dans le prochain dars. Al-wali al-muta'ali malik, malik il-mulk. Malik, na'aw, malik, na'am, malik il-mulk. Al-mutasallit al-jami'. إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك. Ça, ça nous montre أن اسم الملك صفة الملك. Ça, ça englobe beaucoup de choses, beaucoup de noms. En réalité, ils reviennent à هذا الاسم. Et il a cité quelques exemples. أما قوله المتسلط. En réalité, هذا الكلام بعد البحث après une brève recherche تبين أن هذا الكلام c'est من كلام ابن القيم رحمة الله عليه بالنص. الشيخ سعدي نقل كلام ابن القيم بالنص من بدائع الفوائد بعض هذه الأسماء لا يوجد دليل كلير في الحقيقة تقدمت معنا الشيخ سعدي سيت رمارك كون فولي فير رحمة الله عليه قال المتسلط سيت رمينا كلام ابن القيم قال المقسط لأن المتسلط سبا أن الله سبحانه وتعالى لا شك فيه إن يقد دليل على هذا لعله تصحيف لعله سيون إغور إما دامبخيمغي إما غير ذلك على كل حال هنا المراد المقسط سابيا جمو القسط القسط العدل لا جستيس فالمتسلط سبا من أسماء الله سبحانه وتعالى بقي اسم المقسط هذا الاسم ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيه سرد أسماء الله عز وجل أي الحديث وطول beaucoup de noms d'Allah سبحانه وتعالى يسنسيته تقدم معنا أن هذا الحديث إلى ضعيف تقدم معنا كذلك أن من صفات الله عز وجل العدل أن الله سبحانه وتعالى حكم عدل دونك هذا الاسم المقصد يحتاج إلى دليل والله أعلم على كل حال هذا الاسم العظيم اسم الملك يرجع إلى ثلاثة أمور ça revient à trois choses et le sens Cheikh Saadi les a cités rahmatullah alayhi on peut les résumer أولا أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الملك الله سبحانه وتعالى له الملك سبحانه أي possède tout Toutes les créatures, c'est des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Malik al-Jami', Rabbul Jami'. C'est le créateur de toutes choses. C'est Al-Malik, il possède le royaume. Et toutes les créatures, elles font partie de ce royaume. Ahada awulan. Thanyan, et fil haqiqa, on l'a cité, le premier, lahu sifat al-Mulk, et le deuxième, Al-Najami' al-Khalq, c'est min. من عبيد الله سبحانه وتعالى سدي معبودات الثالث أن له التدبيرات النافذة أن الله سبحانه وتعالى يجير tout donc premièrement il a صفة الملك deuxièmement toutes les créatures elles font partie de son royaume et ils ont tous besoin d'Allah سبحانه وتعالى مضطرون إلى الله سبحانه وتعالى et troisièmement أن الله سبحانه وتعالى يدبر كل شيء Il fait ce qu'il veut fi hadha al-mulk, azza wa jal. Et taqaddam ma'ana anna Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hakim. Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas injuste. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le haq. Tout ce qu'il fait c'est haq. Donc la shaka anna hadha al-tadbir il est fondé sur al-haq, wa al-hikmah, wa al-rahmah, wa al-rifq. Ahada. Donc... معنى هذا الاسم سأعود على 3 points قال ابن القيم رحمة الله عليه فهذه الصفة تستلزم سائر صفات الكمال أي صفة الملك كما ذكر الشيخ سعدي رحمه الله أن هذا الوصف أن الله سبحانه وتعالى له الملك الحقيقة سأمبليكت تستلزم سائر صفات الكمال سئل الملك سئل الملك Enfin, forcément, il a les attributs parfaits. Il y en a quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui n'a pas la capacité, quelqu'un qui ne connaît pas tout, qui ne voit pas tout, il ne peut pas avoir « هذا الملك العظيم » قال إذ من المحال ثبوت الملك الحقيقي التام لمن ليس له حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا فعل اختياري يقوم به فسرد على المعطلة ceux qui disent que Allah سبحانه وتعالى il n'a pas d'attribut عيدا بالله من جهمية ومعتزلة ومن سلك مسلكهم كالأشاعرة qui ont rejeté beaucoup de صفات فالله سبحانه وتعالى c'est le ملك donc ça implique qu'il est vivant il est capable de tout il connaît tout il voit tout il entend tout il a أخذ قال وكيف يوصف بالملك من لا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب سي الله سبحانه وتعالى on a la conviction ولله الحمد que c'est le malik له الملك اشك انه celui qui ordonne celui qui interdit et تستفيد هنا une ثمره عظيمه ان celui qui ordonne et celui qui interdit c'est Allah le malik عز وجل اما la créature si elle contredit امر le malik عز وجل on lui obéit pas Même si c'est une créature très proche de nous, comme le père ou la mère, ou autre. La ta'a li makhlouq fi ma'asiyati al-khaliq. Limadha li anna celui qui ordonne et qui interdit, c'est Allah Azza wa Jal seul. Il a révélé à son prophète Muhammad alayhi salatu wa salam la révélation des interdictions, des ordres. Et on n'a pas le droit de suivre un autre, d'obéir à un autre. Abadan. On parle ما يتعلق بدين الله عز وجل الأوامر والنواهي. قال ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعطي ولا يمنع ولا يعز ويذل ويهين ويكرم وينعم وينتقم ويخفض ويرفع ويرسل الرسل إلى أقطار مملكته. المملكة c'est le royaume. مملكة الله سبحانه وتعالى c'est sa créature. قال ويتقدم إلى عبيده بأوامره ونواهيه فأي ملك في الحقيقة لمن عدم ذلك. Tout ce qu'on vient de citer, ces ma'ani azima, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse, c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend, c'est lui qui envoie les messagers, c'est lui qui châtiera certains de ses créatures, qui récompensera d'autres. Celui qui n'a pas sa sifat, fa ayyu mulk. Fa al-haqiqa hada, il n'a pas de royaume, c'est pas le malik. C'est pour ça que qawl al-mu'attila, il est très très grave. Quand ils disent qu'Allah, il n'a pas d'attribut parfait, avec des shubuhat hazila, iyadam billah, c'est très très grave. أما المؤمن ولله الحمد son iman il est fondé sur le Coran et sur sunna, sur la révélation, il n'y a aucun doute en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le malik. Et si c'est le malik, on a la conviction, ça implique qu'il a d'autres sifat et d'autres noms qu'on a étudiés ensemble, ولله الحمد. ثم قال فحقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع والإكراه والإهانة والإثابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية والعزل. حقيقة الملك أي le royaume, le vrai royaume. الحقيقة c'est celui où هذا الملك, ce roi, il pourra faire ces choses. Il pourra donner, il pourra reprendre, il pourra rabaisser, il pourra élever, il pourra guider, il pourra égarer, il pourra se mettre en colère, il pourra être satisfait. Les sifat d'Allah Azza wa Jal. لماذا ابن القيم إلى استناد الكلام pour montrer أن صفة الملك اسم الملك في الحقيقة tous les attributs parfaits reviennent à هذا الاسم, لأن الملك c'est celui qui a les attributs parfaits. فهذا الاسم fait partie des noms qui englobent beaucoup de sens et beaucoup d'attributs. Comme on l'avait cité, ما أدري هل تذكرون, au début de l'étude de ce livre, on avait cité أن certains noms ils englobent beaucoup d'attributs. كاسم الجلالة اسم الله عز وجل. tous les noms ils reviennent à هذا الاسم, tous les attributs. وهكذا اسم الرب, اسم العظيم, اسم الملك, اسم المجيد, comme on verra إن شاء الله, et d'autres اسم. هذا كلام ابن القيم رحمة الله عليه. ثم قال, on peut continuer قليلا. قال الله تعالى إلى ست قول الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. تأمل هذه الآية. في الحقيقة هذه الآية tu peux retirer des fruits, ce que tu as compris de هذا الاسم, et tu pourras mettre en application. فالله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء, تؤتي الملك من تشاء. ça montre أن الله سبحانه وتعالى il élève qui il veut. Celui qui a une place, qui a une responsabilité, que ce soit un roi, un président ou autre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné هذا الملك. فهذا في الحقيقة سيثمر من ثمرة عظيمة pour celui qui réfléchit et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il guide, أنه سيتواضع. Il va être modeste. ما سيتكبر على الخلق. Allah il lui a donné un certain rang, un certain niveau, que ce soit un niveau de vie aisé ou de l'argent ou du ilm, ou de la force physique, et il ne sera pas injuste envers les autres. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a choisi et qui lui a donné. Il ne possède rien. Ça doit pousser à la modestie. Ça doit nous pousser à être modeste. Allah il possède tout. C'est pour ça que Allah c'est le mutakabbir. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le mutakabbir. Lahu sifatu al-kibriya. Amma al-abd, voilà. Pourquoi tu aurais du kibr alors que tu possèdes rien? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le mutakabir. Pourquoi? Parce qu'il possède tout. Azza wa jal. Ça, c'est une thamara. Kadhalik, al-khawf. Ça doit nous pousser à avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu azza wa jal, tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Aujourd'hui, tu possèdes des choses. Aujourd'hui, tu as une place. Aujourd'hui, tu es responsable. Et demain, tu peux tout perdre. Allez, ça doit nous pousser à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, à lui demander. Et kadhalik, à être satisfait de ce qu'il nous donne, s'il nous a donné. Alhamdulillah, s'il reprend, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim. C'est Al-Latif, comme on a vu dans le nom précédent. Rubbama, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a retiré, il nous a repris une chose, c'est pour notre bien. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ Ça, ça doit nous pousser à ne craindre que Allah subhanahu wa ta'ala. De ne pas avoir peur d'un makhlouq. Même si ce makhlouq, il a shay min al-izza, que ce soit il a du nombre avec lui, ou il a de la force physique ou autre, il a de l'argent, il a des connaissances, il a... C'est Allah qui lui a donné. Enfin, n'aie pas peur, ne le crains pas. Crains Allah subhanahu wa ta'ala wahda. Et biyadika al-khayr. Ça, c'est min awsaf al-malik. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui possède le khayr. Ça, ça doit nous pousser à demander à Allah azza wa jal. Et ta'ammal qawlahu al-khayr. Ça englobe jami' al-khayrat. Alif wa lam, c'est l'il-jins ou na. Jins al-khayr. Et jami' al-khayr, tu peux remplacer par kul. Biyadika kullu khayr. Ou kulli khayr. Donc demande à Allah subhanahu wa ta'ala. La shakanna min al-khayr. Le khayr, il se divise en deux. Dunyawi wa ukhrawi. Aïe, khayr al-dunya, puis khayr al-akhira. Ça demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as besoin d'argent, tu as besoin de la guérison, tu as besoin de la bonne santé, tu as besoin de force physique, tu as besoin, demande à Allah. Biyadihi al-khayr, azza wa jal, c'est le malik. Wa hakada khayr al-akhira, il est a'zam et anfa. Al-ilm, la science, al-huda, la guidée. Al-thabat, le fait de rester stable, de ne pas s'égarer. وهكذا الحفظ la mémorisation وهكذا اليقين la certitude الايمان la foi tout ça c'est min al-khayr et tout ça c'est bi yadillah ça nous montre qu'on ne doit pas s'accrocher aux causes al-khayr il est bi yadillah amma al-makhlouq fa laysa bi yadihi shay al-makhlouq il possède rien ça peut être une cause et ça reste une cause et nous on doit se comporter avec lui comme une cause أما الخير لبيد الله عز وجل إنك على كل شيء قدير et ça c'est حال الملك سبحانه c'est من أوصافه il est أو له صفة الملك لا شك celui qui a صفة الملك il est capable de tout سبحانه إلى آخر هذه بعض الثمرات لهذا الاسم العظيم فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله قال رحمه الله المعطي المانع qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à ces deux noms هذا تقدم معنا au début du livre اسم المعطي اسم المانع ماذا قلنا عز وجل تذكر دليلا صلى الله عليه وسلم أحسنت والله المعطي وأنا القاسم هكذا قال صلى الله عليه وسلم دونك اسم المعطي ثابت الحديث اللي فيه صحيح البخاري واسم المانع ماذا قلنا تذكرون تفضل غير ثابت لله عز وجل أو نقول لا نعلم دليلا على ثبوت هذا الاسم Et بعض العلماء يثبتونه أي اسم المانع قال الشيخ سعدي رحمه الله المعطي المانع المعطي c'est celui qui donne et المانع c'est l'inverse المنع c'est le fait de ne pas donner d'empêcher فالله سبحانه وتعالى c'est le معطي c'est le مانع لا شك أن الله سبحانه وتعالى c'est le معطي c'est le مانع لكن المانع on n'a pas de دليل أنه c'est un اسم لكن C'est un ma'na qui est thabita lillah. Fa min bab al-ikhbar, na'am, on dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-mu'ti, c'est le mani', lakin, affirmer que c'est un nom, ay al-mani', fa hada fihi nazar. Qala, la mani'a lima a'ta, wala, ou qabla dhalik, al-mu'ti al-mani'a hadhihi min al-asma' al-mutaqabila. قال لا ينبغي أن يثني على الله بها إلا كل واحد منها مع الآخر لأن الكمال المطلق من اجتماع الوصفين تقدم معنا أن بعض الأسماء لا تذكر بمفردها certains noms on peut pas les citer seuls لماذا لأن le fait de les citer seuls c'est pas du kamal Al-Mu'ti, Al-Mani'a, Al-Mu'iz, Al-Mudhil. Certains de ces noms, c'est pas, on ne peut pas dire que tu es des noms d'Allah, il faut un dalil. Lakin, mujarrad des exemples. Quand on cite le premier, on cite le deuxième pour avoir Al-Kamal, l'attribut parfait. Wa Shir Sa'di, rahimahullah, هنا, il a appliqué cette règle avec ces deux noms, Al-Mu'ti et Al-Mani'a. لكن تقدم معنا أن المعطي للثابت سنود الله سبحانه وتعالى ونع الدليل كذلك تقدم معنا أن المانع ونبى الدليل كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا القاسم أو والله المعطي وأنا القاسم فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ستة المعطي السل فلهذا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه في شرح النونية المجلد الثالث قال ليس على إطلاقه ليس على إطلاقه لأن الإمام ابن القيم رحمه الله كذلك في النونية إلى démontré أنك tu peux pas le citer seul tu dois citer كذلك le nom qui va avec لكن كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه ليس على إطلاقه مختصر الكلام قال فمثلا المعطي لو أفردناه يجوز لأن المعطي وحده لا يتوهم نقصا donc cette règle elle est juste et on l'applique si le fait de citer un nom sans citer le nom qui va avec ça va impliquer un naqs une imperfection نعم في هذا الحال on n'a pas le droit de le citer seul أما si ce n'est pas le cas فيجوز donc المعطي c'est permis de le citer seul بل المانع ما ثبت donc Quand on cite les noms d'Allah, on cite que le Mu'ati. قال لأن المعطي وحده لا يوهم نقصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله المعطي وأنا القاسم. انتهى. باختصار. On a résumé جدا la parole de Cheikh Al-Uthaymin. وإلا son كلام il était plus long. تستفيد من هذا الرجوع إلى الدليل. Cheikh Al-Uthaymin تأمل موقفه رحمه الله. Il a expliqué le livre d'Ibn Al-Qayyim. Ibn Al-Qayyim c'est un imam. في الدين بل شيخ الإسلام رحمة الله عليه خالفه إلى شوازي أو إلى مونتخي الصواب ستة ما جاء في الدليل إلى trouvé une excuse ابن القيم لعله أراد للنون qui peuvent pas être cités seul هذا الأمر فيه سهل كذلك son شيخ شيخ سعدي c'est le principal شيخ de شيخ ابن عثيمين رحمه الله il avait des autres مشايخ لكن لازمه أكثر واستفاد منه أكثر خالفه هذا. Ça nous montre l'importance de revenir au dalil. لأن الدليل est واضح. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله المعطي. Il n'a pas cité le مانع. Le hadith il est fait le Bukhari. Donc ça prouve que le مُعطي tu peux le citer seul. Donc cette règle elle est juste quand le nom si tu le cites seul ça va impliquer une imperfection ou un manque. Et à ce cas tu ne peux pas. Et on avait cité des exemples au début du livre. القابض الباسط etc. ثم قال رحمه الله فهو المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع et on a des hadith dans ce sens des أدعية des أذكار لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت donc صفة المنع عليه ثابتة لله عز وجل أما الاسم فلا فجميع المصالح والمنافع منه تطلب وإليه يرغب فيها Ça c'est al-thamara, c'est le fruit. Si tu as compris un Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le mu'ati, c'est lui qui donne. Et كذلك, استفدنا أن الله سبحانه وتعالى له صفة المنع. Il empêche ce qu'il veut, il retient ce qu'il veut, il ne donne pas à qui il veut. Si tu as compris هذا, فجميع المصالح والمنافع منه تطلب. Demande-lui. Demande-lui. C'est le seul qui est capable, عزّ وجل, et Subhanahu wa ta'ala, s'il décide, s'il a décrété qu'il te donnera, personne ne peut empêcher. لأن الله سبحانه وتعالى كما قال لا مانع لما أعطى. Et s'il donne une chose, فلا مانع لما أعطى. Et personne ne peut empêcher. Donc ça, c'est une ثمرة عظيمة. Et كذلك, لا معطي لما منع. Si Allah سبحانه وتعالى منع, il a décidé qu'il ne te donnera pas une chose, personne ne pourra te la donner. فتستفيد أولا At-talab min Allah Azza wa Jal. Demande-lui tout ce que tu as besoin. Que ce soit des choses très très importantes ou des choses moins importantes. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il aime que tu lui demandes. Et kadhalik, il est capable de tout. Donc pourquoi se priver? Et ceux qui demandent beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala, en général, ils ne demandent pas aux autres. Si c'est une demande interdite, bien sûr. Ils ne demandent pas. Les mazal et annahum, ça leur suffit. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hasib. Yakfi abdah azza wa jal. Et hakada, ceux qui ne demandent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bil'ax. En général, ils demanderont aux créatures. Imma des demandes interdites, ayyadun billah, du shirk, comme ceux qui demandent à des morts, ils demandent la guérison, ils demandent la guider, ils demandent le fait d'avoir des enfants et l'akhiré, ça fait sortir de l'islam, c'est du shirk akbar. Imma su'alat, c'est pas du shirk, lakin, ils élèvent la cause au-dessus de son rang, et ils se rabaissent, et ils tombent fi su'al al-muharram, dans l'interdiction, alors qu'ils peuvent se passer. Imma celui qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il est préservé de ces deux dangers. قال وإليه يرغب فيه وهو الذي يعطيها لمن شاء ويمنعها من يشاء بحكمته ورحمته. نعم. فالله سبحانه وتعالى يدنا كي يبغى et reprend à qui il veut عز وجل. Et tout ça c'est fondé sur l'hikma. Et comme on avait détaillé ensemble في تفسير اسم اللطيف, le fait que Allah سبحانه وتعالى donne à une personne, ça ne veut pas dire forcément qu'il l'aime. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a privé une personne d'une chose, ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son moule qu'il donne à qui il veut, il reprend à qui il veut. Donc ça nous montre husnudhan billahi azza wa jalla. Fa li hadha qala bi hikmatihi wa rahmatihi. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a privé d'une chose ou il ne t'a pas donné une chose, c'est min bab ar-rahma, c'est min bab al-lutf, comme taqaddam, c'est pour ton bien. Peut-être que cette chose, si tu l'aurais eu, elle t'aurait fait beaucoup de mal. هذا الاسم اسم عظيم أي أن الله سبحانه وتعالى المعطي. قال رحمه الله المبدي المعيد. Deux autres noms. Et ces deux noms, لا نعلم دليلا على إثباتهما. أما الصفتان نعم. كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالمبدي المعيد لا بد من دليل. أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية, ومعنى توقيفية أي لا بد من دليل. Il faut forcément un دليل pour affirmer un tel nom, c'est un nom d'Allah سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وقد عدهما ضمن الأسماء الحسنى الزجاج والخطابي في شأن الدعاء. C'est des références dans l'explication des noms d'Allah عز وجل. كتاب الزجاج كذلك كتاب الزجاج اشتقاق الأسماء et le livre de الخطابي في شأن الدعاء كذلك والبيهقي في كتابه الأسماء والصفات. C'est une référence. وَالْغَزَالِ فِي كِتَابِهِ الْمَقْصَدِ الْأَسْنَى شَرْحَ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى. Lakin certains de ces livres, comme le livre de Al-Ghazali, l'insan yantabih, celui qui n'est pas mutamakkin fil aqida, فَلَا يَقْرَى فِي الْكُتُبْ, qui explique les noms d'Allah, et Al-Mu'allif, il n'est pas à la aqidati Ahle Sunnah, ou il a dévié dans certains points. بعضهم, ils sont à la aqidati Ahle Sunnah, lakin ils ont des erreurs, تَأَثَّرُوا بِمَذْهَبَ الْأَشَاعِرَةِ ou autre. Lihada, le débutant, il commence par la lecture, l'étude du livre de Cheikh Sa'di, le Tayyib. Cheikh Sa'di, il était à la aqidat ahli sunnah wallahi alhamd. Wa hakada yastafid min kalam min al-qayyim, min al-nuniyya par exemple. Et avant cela, il profite du livre de Cheikh Zayd, al-Madkhali, rahmatullah alayhi. Sa mandouma, elle est très simple. Thumma, en étudiant l'aqidat, rubbama qad yastafid ou yaqra min hadhihi al-kutub. Il pourra différencier entre madhhab ahl sunnah et madhhab ghayrihim. Ils vont t'expliquer les noms, et vu que si tu expliques les noms, forcément tu expliques les sifat. Chaque nom il englobe une sifat. Et ils vont expliquer hadhihi as-sifat ala madhhab al-ash'ari. Et là c'est très très grave. قال رحمه الله المبدي المعيد قال قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. هذا هو الدليل. Et tu t'aperçois que dans ce délil, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas cité Ism al-Mubdi al-Mu'id, il a cité des af'al. Ça, c'est des sifat, fi'liya. Annahu yabda'u al-khalq, thumma yu'idu. Yabda'u, ça vient de al-ibdida, c'est lui qui commence, la créature. Thumma yu'idu. Et ça y est, ma'ana yu'idu, min kalam al-Sheikh Sa'di, rahimahullah. On peut citer كذلك قول الله عز وجل إنه هو يبدئ ويعيد سورة البروج يبدئ ويعيد c'est le même sens. قال الشيخ سعدي رحمه الله ابتدأ خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عمل أي الله سبحانه وتعالى il a débuté la création. Il a créé maintenant le premier être humain, Adam, alayhi salatu salam. Qui c'est qui a commencé cette création? C'est Allah, azza wa jal. Pourquoi? لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a créé pour qu'on l'adore, azza wa jal. C'est une épreuve. Qui c'est qui va adorer Allah, azza wa jal, et qui c'est qui ne va pas l'adorer? قَالَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ويجزي المسيئين بإساءتهم. هذا معنى قوله يعيده. Et dans l'autre verset ويعيد أي يعيدهم أي الله سبحانه وتعالى c'est lui qui a créé العباد مثلا si on prend l'exemple des êtres humains et c'est lui qui les ressuscitera et ses serviteurs ils auront des comptes à rendre يوم القيامة. قال الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي المسيئين بإساءتهم أي récompensera ceux qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala et châtiera ceux qui ne l'ont pas adoré. وكذلك هو الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيئا فشيئا ثم يعيدها كل وقت. Ça c'est un autre معنى. وكذلك هو الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيئا فشيئا أي الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه il crée certaines créatures par étapes. شيئاً فشيئاً. تأمل مثلاً خلق الإنسان. Au début c'est un liquide, ثم un caillou de sang, ثم مضغة علقة إلى آخره. حتى ça devient un embryon, حتى il grandit et ça devient un être humain. Allah سبحانه وتعالى il fait ce qu'il veut. ثم يعيدها كل وقت. أي يخلق من تلك الجنس أنواعاً. من هذا الجنس من هذا الأصل فربما الله سبحانه وتعالى يكخي دوتخ شوز مثلا il a créé Adam c'est le premier être humain ثم من Adam beaucoup d'êtres humains des hommes des femmes de couleurs différentes de formes différentes de tailles différentes إلى آخره. الله سبحانه وتعالى c'est lui qui a créé et هو الذي خلق ثم يعيد سبحانه وتعالى. على كل حال ces deux noms, ben il a cité بعض العلماء qui ont affirmé que ces deux noms d'Allah عز وجل وكثير من أئمة السنة لا يثبتون هذين الاسمين فالله تعالى أعلم. قال رحمه الله المتكبر وهذا الاسم ثابت لله عز وجل. في الحاشية إلى ستة الدليل قول الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. فالمتكبر on a un verset clair أن الله سبحانه وتعالى parmi ses noms المتكبر. قال الشيخ سعدي رحمه الله المتكبر عن السوء والنقص والعيوب لعظمته وكبريائه. نعم فالمتكبر أي عن السوء والنقص. الله سبحانه وتعالى متكبر عن السوء والنقص أي il n'est pas touché par les manquements, par les défauts, par les faiblesses. Il est كامل سبحانه وتعالى في ذاته وفي أوصافه وفي أفعاله عز وجل وفي أسمائه. Il a les noms parfaits, les attributs parfaits, tout ce qu'il fait c'est parfait. والعيوب Al-Uyub, c'est les imperfections, les défauts. Li'azamatihi. Le lien entre Ism al-Mutakabbir et l'Azim. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-Mutakabbir. Limadha li'annahu li'azim. Fi dhatihi wa fi sifatihi wa fi af'alihi. قال وكبريائه وهذا تقدم معنا اسم الكبير من عنده المرجع 101 نعم اسم الكبير احسن 101 كذلك on avait vu encore plus عند اسم الجليل هذا الذي كنت ابحث c'est au début du livre اسم الجليل et اسم الجليل il n'est pas ثابت لله il n'y a pas de دليل على هذا الاسم Et, مع الجليل il avait cité الكبير وهذا الوصف لا يليق بالمخلوق أي أن يتكبر في المخلوق c'est du نقص et c'est مذموم et c'est grave أن الإنسان يتكبر لماذا لأن المخلوق comme on a cité كثيرا dans notre série de cours il est ضعيف il ne possède rien Allah سبحانه وتعالى c'est le ملك Allah subhanahu wa ta'ala c'est le mutakabbir, c'est l'azim, c'est l'aziz, c'est le jabbar. Amma al-makhlouq fa da'ifun, yansa kathiran. Et il est faible dans son corps, dans ses attributs. Son ouïe elle est faible, sa vue elle est faible, sa force elle est faible. Il ne peut rien faire que si Allah subhanahu wa ta'ala il le décide. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une volonté. Lakin tout ça s'est fondé sur la faiblesse. Falimadha yatakabbar. Et إذا تأمل الإنسان في نفسه وفي خلقه في خلقته plutôt dans comment Allah l'a créé فلماذا يتكبر réfléchis فقط qu'est-ce que tu étais au début tu n'étais rien ثم الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من ماء مهين l'être humain il a été créé à partir d'un liquide le liquide du père فلماذا يتكبر ثم تأمل حال هذا الإنسان. Quand il est petit, il est très très faible. ثم quand il grandit, il est touché par les maladies. Il a akhiré. Et de son corps, certaines choses qui sortent, c'est très très mauvais. من النجاسات إلى آخره. Quand يقضي حاجته فلماذا يتكبر؟ ثم تأمل حاله بعد الموت. أن هذا الإنسان on est obligé de l'enterrer لماذا parmi les حكم de l'enterrement c'est لأن الإنسان si on l'enterre pas يؤذي جيفه comme une bête morte si elle n'est pas enterrée elle fait beaucoup de mal avec son odeur tu peux pas la regarder il est آخر هكذا الإنسان chaque être humain il est comme ça إلا من عصمهم الله سبحانه وتعالى من الأنبياء leur corps il change pas فلماذا après tout cela الكبر on n'a pas besoin de هذا كذلك الإنسان il n'oublie pas أنه s'il a une chose un autre il a pareil au mieux si tu as du علم un autre il a plus de علم si tu es fort physiquement un autre il sera plus fort que toi si tu es éloquent un autre il sera plus éloquent que toi tu es généreux un autre il est plus généreux que toi وهكذا فالإنسان لابد أن يعرف قدر نفسه et pour se connaître soi-même il faut connaître Allah عز وجل Celui qui ne connaît pas Allah Azza wa Jalla, il ne se connaîtra pas lui-même. Allez, هذا بعض الناس ils ont du kibr. لماذا لأنهم يكونسوا pas Allah Azza wa Jalla. Oh, ils le connaissent عياذا بالله, ils connaissent certains de ses noms et ses attributs, mais Allah il les a égarés à cause de leurs mauvaises intentions. Mais celui qui connaît Allah Azza wa Jalla, il se connaîtra lui-même. Et s'il connaît Allah Subhanahu wa Ta'ala, il saura que Allah c'est le mutakabbir. Et هذا الوصف c'est que pour Allah. Il n'y a pas pour un autre. Donc on n'a pas besoin de هذا. بل الإنسان في حقه الكمال والمدح سفي ماذا سفي التواضع la modestie ça c'est du كمال في الإنسان et c'est du مدح c'est une bonne caractéristique c'est un bon comportement la modestie الإمام ابن القيم رحمه الله قال التواضع للدين هو الإنقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم On a voulu lire ce qu'elle aime ensemble, l'imada. Les annatawadu'a. Beaucoup de gens, ils comprennent la modestie. Le contraire de l'orgueil, c'est pour ça qu'on le cite. هنا اسم المتكبر تقدم معنا أن l'être humain ne doit pas avoir de kibr, mais il doit être modeste. لكن كثير من الناس ils ont une compréhension de la modestie فقط avec les autres. Il faut être modeste, il ne faut pas avoir de l'orgueil avec ton frère, avec les pauvres, avec les ignorants. Ça c'est haqq. Et c'est tayyib, on l'a cité ensemble, wallahi alhamd. Lakin, هناك un tawadu' qu'on ne doit pas négliger. Haqiqa, c'est comme le bon comportement. Le bon comportement avec les créatures, c'est matlub. Lakin, le bon comportement avec Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est encore plus important. Hakada tawadu'. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qala tawadu' lid-din. Être modeste. Être modeste par rapport à notre din, à notre religion. Kayf hadha? Qala huwa al-inqiyad lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est se soumettre au texte, au Coran et à la Sunna. Et suivre un Nabi alayhi salatu wasalam. Celui qui délaisse la voix du prophète alayhi salatu wasalam pour suivre autre, al-haqiqa c'est du kibr. Et c'est un manque de modestie. Wa illa, celui qui est modeste, il se soumet. Et il suit. Qala huwa al-istislam له الانقياد لما جاء به الرسول والاستسلام له والإذعان وذلك بثلاثة أشياء. Le fait de se soumettre, d'avoir cette modestie, d'accepter les textes et de ne pas s'enorgueillir et vouloir suivre autre que le prophète عليه الصلاة والسلام, c'est avec trois choses. أولا قال أن لا يعارض شيئا مما جاء به بشيء من المعارضات أو المعارضات. Et ne pas délaisser la sunna du prophète alayhi salatu salam, et bien sûr le Coran, et choisir autre chose, que ce soit les passions, que ce soit l'avis d'un autre, que ce soit al-kathra, le grand nombre, que ce soit al-asabiyya, ayyadan billah, les parents ils ont fait, les ancêtres ils ont fait. Celui qui délaisse ces choses et qui suit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hada il est mutawadhi haqqan, hada il est modeste. أما بعض الناس يبخطن لامودستي فولامودستي ويتكبرون عن الحق. في السيت الدليل كلير أن هذه المسألة لا يجوز. il peut pas accepter. c'est quoi qui empêche d'accepter? bien sûr c'est Allah سبحانه وتعالى qui n'a pas guidé هذا العبد. et une des causes c'est quoi? pourquoi Allah سبحانه وتعالى il le guide pas? elle kibre dans son cœur, il veut pas admettre. بعضهم الدليل il est clair. هذا الشيء c'est حرام. et ils ne veulent pas accepter. إما ils vont dire mais les gens ils font. إما dans mon pays ils font. Et ma chère Foulan, il a dit, hala, c'est très très grave. Hala, c'est un manque de tawadu' envers Allah subhanahu wa ta'ala. L'insan la boudia tawadu'. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a ordonné de suivre hada al-haq. Limad al-kibr. Al-haqiqa, c'est la cause par laquelle Iblis, il s'est égaré et il a tout perdu. Et il a été maudit. Et il rentrera en enfer éternellement. Il n'a pas voulu. Usjud, pourquoi il n'a pas accepté? Sujoud, c'est une chose très très simple. Iblis, son orgueil, iyadan billah, l'a empêché, il n'a pas voulu. Limada? L'orgueil, c'est lié kathiran à la jalousie. Il a été jaloux de Adam, il n'a pas accepté. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Il a cru qu'il était meilleur que Adam. Adam, il a été créé d'argile de terre et ouais, il a été créé de feu. Il a pensé qu'il était meilleur et il n'a pas voulu. Pourtant, celui qui lui a donné l'ordre, c'est Allah Azza wa Jal, directement. Il n'a pas voulu, iyadan billah. On n'est pas à l'abri, nous. Kamina al-nas halaku à cause du kibr. C'est quoi qui a emmené Firaoun à sa perte? C'est le kibr. Il savait très bien que Moussa, il était à la haqq, alayhi salatu salam. Il savait, au fond de lui. Lakin al-kibr, il n'a pas voulu accepter que les gens, ils suivent autre que lui et qu'ils reviennent à Moussa. Et Moussa, s'il aurait admis que c'est un rasoul, tout le monde aurait suivi Moussa. Et Moussa, chez les suiveurs de Firaoun, il aurait une plus grande place que Firaoun. Et ça l'a empêché de croire. Ils ont pensé qu'ils étaient meilleurs que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, parmi les choses par lesquelles est critiqué le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a que les pauvres qui le suivent, que les du'afa, que les gens modestes. Et hum, ils avaient du kibr, ils ne pouvaient pas se mélanger à des pauvres, à des esclaves, ils ne pouvaient pas. Al-kibr, c'est quoi qui a poussé al-yahoud akhzahumullah à leur perte? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a maudits. Al-kibr, ils n'ont pas voulu suivre le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Limada li'annahu, c'était un arabe. Et ils voulaient que le Rasul, il vienne d'eux. Al-Kibr. Mais ils auraient accepté la modestie. Hamshay, c'est un rasoul, qu'il soit de mon origine ou d'une autre. L'amr sahl. C'est pour ça qu'à notre époque, Bardanès, ils rejettent l'haq quand c'est une personne autre que leur origine. Ça, c'est du kibr. Ayyadan billah, c'est un manque de modestie. Qala, rahimahullah, al-thani, alla yattahim dalilan min adillati d-din bihayt yadhunnuhu fasid ad-dalala. Ou naqis ad-dalala ila akhir. Ay le fait de ne pas ayadan bil rejeter un dalil limada لانه il pense que ad-dalil il est fasid ad-dalala. Ay c'est pas un argument, pourtant le dalil il est clair. Ça c'est min al-kibr, ça c'est min al-hawa. بعض الناس يرجت complètement dalil et بعض الناس veulent faire croire que dalil il est pas à sa place. Min al-kibr. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ومتى عرض له شيء من ذلك فليتهم فهمه وليعلم أن الآفة منه والبلية فيه. هذا كلام طيب. مثلا المبتدعة المعتزلة يزوجتي الحديث الآحاد par rapport à la chaîne de transmission, eux ils voulaient que du mutawatir. C'est quoi qui les a empêchés? C'est le kibr. وإلا فالحديث il est صحيح, il est صحيح. Qu'il soit d'une chaîne de transmission avec beaucoup de rapporteurs ou un rapporteur, tant que c'est un homme de confiance, al-a'imma, ils l'ont accepté, on accepte. Lakin, al-kibr, ayyadan billah. Qala wa idha ra'ita min adillat al-din ma yushkil alayk wa yanbu fahmak anh fa'alam annahu li'azamatihi wa sharafihi ista'sa alayk. Ça c'est une nasiha tayyiba. On fait attention au kibr. Bardanès, ils ont du kibr, le dalil. Ils ont du mal à le comprendre ou ils ne connaissent pas l'authenticité. Au lieu de faire des recherches et de demander et avoir de la modestie, ils rejettent. لماذا لأنه il n'a pas compris où. فلهذا قال ابن القيم رحمه الله فعلم أنه لعظمته وشرفه. Tu ne l'as pas compris, لأن c'est un hadith عظيم. C'est pour ça que tu n'arrives pas à le comprendre. استعصى عليك وأن تحته كنزا من كنوز العلم. فالحقيقة ce dalil il renferme des كنوز الكنز سي لو تريزور دو علم ولم تؤتى مفتاحه بعد هذا في حق نفسك. في الحقيقه الانسان on lui a pas donné la clé pour ouvrir, pour comprendre ce hadith. Donc le manquement, les faiblesses, elles viennent de la personne. Vous avez remarqué que بعض الناس ils accusent toujours les autres. Il croit tout comprendre, même un délit clair, Obama il ne comprend pas, il dit directement ça c'est une invention, vous l'inventez. Thomas, tu lui prouves le hadith, tu lui montres, il est Sahih al-Bukhari. L'orgueil, il ne peut plus accepter. Au lieu de dire Na'am, astaghfirullah, la. Ba'adhum, il le dit clairement, mais le Bukhari, c'est qu'un être humain. Et il a akhri, hakad al-kibr. Pourquoi Ba'ad al-Nas, un, il rejette des hadiths clairs? C'est que le kibr. Qala, wa amma bin nisba ila ghayrik fattahim ara al-rijal ala nusus al-wahi, wal yakun radduha aysar shay alayk lin nusus. Ta'ammal. Amma ce que tu dois rejeter, très simplement et sans t'entêter, c'est les avis des gens, même s'ils contredisent le sunna. On vit à une époque, ayyadan billah, c'est l'ex. Ben, c'était déjà présent à l'époque. Al-Nalbad yata'assaboun al-Sheikh ou al-Madhhab, ils ont beaucoup de mal à délaisser son kalam. Et Al-Qur'an ou Sunna, très très simplement, ils le rejettent. Avec des faux arguments. Imma il est da'if, imma c'est kada, imma. Et le Sheikh là, son kalam, il est muqaddas. Ça vient d'où, هذا? Ça vient du kibr fil qalb. Annahu, il prétend suivre tel madhhab et il veut pas se soumettre, se rabaisser, avoir de la modestie et dire là, ce kalam, imma, il est pas sawab, imma, muhim. Et revenir au kalam du prophète, alayhi salatu wassalam. Qala, fama lam taf'al dalik falasta ala shay. Celui qui n'arrive pas à délaisser le kalam de ses parents, ou de son shir, ou l'école où qu'il a étudié, ou la majorité, quand ces avis contredisent un verset du Coran ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فكما قال الامام ابن القيم رحمه الله عليه فلست على شيء. Tu ne reposes sur rien. Celui qui hakada, il repose sur rien. Son iman il est faible, c'est un ignorant et فالحقيقه son état il est très très grave. لماذا لان normalement quand on a kalam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam on ne doit pas attendre. On ne doit pas, ayyadan billah, se comporter comme s'il y avait un khilaf. Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont messagers, ils ont cité un hukm, un autre il a cité un hukm, on se comporte comme s'il y avait un khilaf. Kalamullah, kalam al-Rasul, alayhi sallam, il passe avant. Et si c'est un savant de la sunna qui a contredit, on lui trouve des excuses. Et à la kulli hal, son kalam, on ne le prend pas. Falihada, il a rapporté kalam. Al-Imam al-Shafi'i, rahimahullah, qala ajma' al-Muslimoun. على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعى لقول أحد. L'unanimité des savants de l'islam. Celui qui a connaissance d'un hadith du prophète عليه الصلاة والسلام, d'une sunna, il n'a pas le droit de la délaisser pour la parole d'un autre. Ça c'est bil ijma. Lakin la question qu'on se pose, beaucoup de nous ils connaissent ce athar, on l'a déjà cité dans plusieurs durus. Lakin la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on a du mal à l'appliquer, ou certains ils ont du mal à l'appliquer. L'ibad, ça revient à la modestie. Celui qui est modeste, qui n'a pas de kib, c'est le Ba'adannas, ils savent très bien le haq. Vu qu'il a pris un kalam, il ne peut plus le délaisser. Un frère, maintenant, il va venir, il va lui montrer. Al-Nahada, c'est khata. Et Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pourtant, il entend le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rubbama al-kibr, ta'khuduhu al-izzatu bil-ithm. Et il ne peut pas dire là. On ne peut pas te dire en face, là, je me suis trompé. Ça, c'est grave. On n'a rien à gagner si on délaisse le haq. Alhamdoulilah, aujourd'hui, tu as raison. Demain, tu attends. Al-Amr ça. Je me suis trompé. Et au contraire, tu dois remercier Hada Ash-Shakhs, cet homme qui t'a montré le haq. Hada, c'est Al-Thamara de Hada Al-Ism. Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le mutakabbir. Et nous, on est des du'afa et on doit se soumettre. Et on doit avoir de la modestie. Et on a insisté sur le tawadhu avec le din. Limada li anna kathira min an-nas, il parle de tawadhu, le bon comportement. Et vous avez remarqué, il ne parle qu'avec les êtres humains. Il faut être modeste, il ne faut pas rejeter les autres. Et après, ils oublient. Hada al-asl al-azim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardahu. ونكتفي بهذا ونكتفي إن شاء الله تعالى في الدرس السابق والحمد لله رب العالمين. كلام ابن القيم رحمه الله من مدارج السالكين المجلد الثاني.